Le frigo des anges. Le frigo des anges. C'est à peu près ça. Qu'est-ce que je suis aux anges. Je suis aux anges avec mon frigo. Pas de problème, ici Frédéric Barbouchy en compagnie d'Antoine Vézina. Salut Fred. Salut Antoine. Martin Boily. Salut Frédéric. Salut Antoine. Salut. Et Mathieu Bouillon. Veux-tu m'épouser? Oui. Oui, Mathieu. Attends, je viens de... Maman. Veux-tu m'épouser? On est déjà conjoint de fait. Foulez-vous. Fou les fous m'épouser. T'es Matt Gap. Fou les fous m'épouser. Matt Gap Vézina. Ah. C'est magique, hein? C'est magique ici, au bar Les Passages, tous les deuxièmes mardis oui, du mois. Oui. Magique, le mot est faible, Fred. Oui, c'est... Qu'est-ce qui est plus que magique? Oui. C'est mystifiant. C'est grandiose. Wow. Rocambolesque. Mm-hmm. Et oui, puis ça, c'est les deuxièmes mardis du mois, au 951 Rachel Est. Joignez-vous à nous. Tous les deuxièmes mardis du mois, je le dis hein, 8 fois, pour 3-4 experts en rien qui s'improvisent, experts en tout, le temps de vous fournir des solutions plus ou moins efficaces. Wow. Un problème recueilli sur Facebook, Twitter ou par courriel ou sur autres réseaux sociaux sur lesquels on ne va pas vraiment. Et n'oubliez pas d'aller voter sur nous, iTunes et Balado Québec, 5 étoiles ou rien. Sinon, les solutions préférées, Antoine. Mais non, attends! Quoi? C'est pas un bizarre non. problème. Ah, ah. Voyons. C'est moi. Pouit, pouit. Alors, non, cette semaine, on a un problème qui nous vient de... C'est écrit la barmaid. Quoi? La bartendresse. La ben oui, barmaid des passages. D'ailleurs, qui nous a écrit ça la semaine passée. On a un petit cahier ici en avant sur la table. Les gens qui assistent à nos enregistrements, vous pouvez nous fournir vos problèmes ou nous stouler le problème de vos amis. Hein? Donc, on le souhaite vraiment. Alors, le problème nous vient de Liliane, c'est ça? Et tu veux le lire? Oui! Ouh! Yes! Non! Reste habillé! Alors, tiens. Oui, je vous lis à l'instant. J'ai un nouveau copain. Je suis très amoureuse. Cependant, c'est un voyageur et il avait déjà prévu partir 5 mois dès octobre avant de me rencontrer. Je ne veux surtout pas l'en empêcher. Mais une si longue séparation m'angoisse un tantinet et je n'ai pas les moyens d'aller le rejoindre. Comment entretenir la flamme à distance et où? Trouvez-moi un moyen d'aller en Inde pour une bouchée de pain. On ira. La barmaid. Où tu voudras, quand tu voudras. Liliane. Et sa papille. Et on Liliane. S'aimera encore. Elle avait les cheveux noirs. Comme mon cœur était noir. Non, ok. Alors. Tu sais. Alors, Liliane, merci pour ton problème. Donc, oui, c'est ça. Amour à distance, pas facile. Antoine te fait ça avec plusieurs personnes. Absolument, en ce moment même d'ailleurs, avec des filles qui ne le savent même pas. Ça, c'est de la distance. Oui, non, c'est dur à entretenir, en effet. Mais le coup de pouce du 2 mai 2011, Amour à distance, il y avait une série de solutions. Ah! Oui, ben oui, alors si vous voulez aller voir ça. 2 mai 2011, tabarouette. Tu vas chez Multimage. Non, tu vas chez le dentiste. Ah, c'est voilà, ça. Ouais. Ah oui, intéressant. Tu fais le tour des dentistes, il y a quelqu'un qui va avoir le coup de pouce de mai 2011. Ouais. Exact. Tu tasses le topo sur Hélène Bourgeois-Leclerc, puis tu trouves ton article. Ouais. Ah, des références d'époque. Oui. Ah, quelle époque. Donc, moi, je pense que... Mais si on aborde le problème plus aller le rejoindre en Inde pour une bouchée de pain... Je sais que les femmes, les occidentaux, les accidentés, tu veux dire? Les occidentales, les femmes occidentales. Occidentales, ça s'accorde. Les oxychantales. Et les oxycutés. Sont très, très... on a eu une amie qui habitait là-bas et puis ils se font prendre en photo beaucoup. Oui. Puis, tu sais, c'est un peu comme des stars. Là. Ils se font prendre en photo à un point tel. Tu sais, si tu y vas une fin de semaine, tu peux trouver ça drôle. Si tu restes là 6 mois, ça va t'emmerder. Moins drôle. Mais peut-être essayer de vendre à ces gens-là ta venue. Tu sais, si tout le monde cote ensemble, tu en vas là-bas. Puis paraît, tu peux te teindre les cheveux blonds, ça il paraît que ça marche encore plus. Donc, et là, petite séance de photos par jour. Bing bang. Le voyage est payé. Vache sacrée. Mets épicé. Bollywood. Bang de ling de ling ding. Et voilà. C'est parti. Et sinon, moi, je peux la prendre au pied de la lettre et littéralement l'envoyer en Inde pour une bouchée de pain. Quoi? Alors, il reste encore, je crois, des journées de tournage à Montréal du film X-Men. Alors, si tu réussis, Liliane, à aller sur le plateau et proche du craft où Hugh Jackman va, un grand amateur de pain, je crois, et tu réussis de à insérer un pain moisi dégueulasse, et s'il prend une bouchée et qu'elle recrache et que tu la récupères, il y a moyen de vendre ça sur eBay et de financer ton voyage. Ah oui. Avec une bouchée de pain. Avec une bouchée de pain de Hugh Jackman. Wow. Mais non, Patrick Stewart. Ah oui, Patrick Stewart. Manges-tu? Ah, peut-être. Ouais. Je sais pas. Piloter soi-même, ça peut être un concept. Peut coûter de 40 à 50 000 $ Mon on de parle pilotage. Liliane, là. Écoute, là. Mais ça se finance tout seul après. Là t'es pilote de ligne, puis t'arrives à revenir. Sinon, il y a l'option militaire, bien sûr. Ou là, gratuitement, ils vont t'apprendre à voler un jet. Oui, bon, ça se peut que t'aies à te battre aussi un petit peu. Ça, c'est un détail. Les sœurs missionnaires de la charité. Ça, c'est la gang de Sœur Teresa. Recherchent toujours des bonnes âmes pour les aider. Alors, ils peuvent là-bas, évidemment, te nourrir et te loger. Non, elle n'a pas l'air. Non. Tu te fais non, mais la seule affaire, c'est que tu t'occupes de lépreux dans tes temps libres. Ah, il y a ça, mais le soir, t'es libre. Oui, là. Oui, oui. Puis la lèpre, ça se cache bien avec un. Oui, enfin. Mais c'était juste aussi qu'elle est possédée par Ganesh ou quelque chose, un dieu, parce qu'ils ont plusieurs dieux. Vishnu. Bishnu, Ganesh. Bishnu. Oui, et justement, faire. Puis là, mettre ça sur YouTube, là, les gens. Ah, oh, c'est elle, on va la faire venir. Bon, c'est encore mon accent. T'es elle. Et. Thank you, comment Ganesh? C'est juste ça que j'ai. Alors, non, puis là, ils te font venir. Puis là, tu fais. Ah, oh, je le sens plus. Je le sens plus. Je le sens plus, je vais quand même rester une ou deux semaines. Merci. Il y a 27 concours en ce moment qui permettent de gagner un voyage en Inde. Oh! Oui, il existe. Comment t'as fait pour trouver ça? Il y a des sites internet qui font le tour et qui mettent un résumé de tous les concours qu'il y a. Alors, tu rentres des mots-clés comme voyage ou argent, tout ça. Puis, ils vont te donner tous les concours, que ce soit des revues, des émissions de télé ou n'importe quoi, qui disent, ben voilà, ce concours-là a encore lieu jusqu'à telle date, voici les conditions. Puis, il y a moyen d'y participer à ce moment-là. Il y en a qui font ça professionnellement. De s'inscrire à des concours. Ah, ben tout à fait. Comme les coupons. Puis comme là, ils gagnent genre 3000 clés USB pendant l'année. Parce tout à fait. Ils ont jamais. Ils ont pas souvent le gros lot, mais ils ont plein de petits lots. Parce qu'ils vont s'inscrire à. Faites ça à la maison! Sinon, il y a différentes magouilles possibles. C'est un petit peu de travail, par contre. Par exemple, les manuels scolaires, particulièrement universitaires. Ce sont des publications relativement chères ici en Occident. Ça prendrait une carte. Qui vont coûter de 100 à 200 $ par exemple, pour certains manuels. Ils vendent l'équivalent en Inde, par exemple, ou en Afrique, mais en Inde aussi, beaucoup moins cher, mais de façon tout à fait légale. Par contre, c'est marqué dessus que tu n'as pas le droit de les vendre en Occident, parce qu'évidemment, le marché là-bas est complètement différent. Mais on s'entend que ton livre, tu l'imprimes, après ça, et ça ne coûte pas une fortune. Donc, il y a des gens qui le font, qui vont là-bas, qui achètent là-bas des livres comme ça, qui valent très cher, puis qui les ramènent et qui les revendent. Et qui vont faire de 100 à 200 $ par livre. Quoi? Ça prend un petit peu de réseautage, mais ça se trouve. Bonne chance et bon voyage! Non, mais je sais que... Comment tu un oh! A! Ah! N! Antoine, en tout cas, je ne le ferai pas au complet. Andrew! Non! Oh! L'ouragan qui te portera vers l'air. Oui. Non, mais il y a beaucoup de compagnies quand même qui ont fait du... C'est quoi le mot français pour outsourcing? De la délocalisation des ressources productives. Oui, mais il y en a... Merci. Voyons donc, Mathieu. What? Alors, non, mais c'est ça, peut-être trouver ces compagnies-là, te faire engager, dire « Je vais superviser vos opérations là-bas. » Là-bas, tu fais « Je quitte la compagnie, Bing, bonsoir. Je suis Ganesh. Oui, Ganesh. Il faut qu'il y ait Ganesh dans cette histoire-là, là, sinon... Ouais. Sinon, une bonne connaissance des courants marins pourrait te permettre, avec un simple radeau... Oui, ou un bon soute. ...de te rendre. Tu te laisses dériver. Comme des glissades d'eau. Ouais, ouais, t'en profites. Bon temps pour réfléchir. Ouais. Ouais, femme, est-ce que c'était une bonne idée? Mais j'ai cette rallonge qui me permet de revenir quand je veux. Vous savez que moi, j'ai littéralement la carte mondiale dans la tête. Hein? Vous pouvez me demander là, n'importe quelle question de géographie, puis je sais la réponse. Hein? Géorgie, t'es à côté de quel pays? Alors, donc, comme j'ai Géorgie, la carte... À Géorgie, moi, t'es à côté de quel pays? Hey, c'est une joke, je sais pas ça, pas à tout. Ce que je sais, par contre, parce que je le visualise, c'est que le point médian entre l'Inde et Montréal serait à 14 km au nord de Lisbonne, au Portugal. Donc, je pense que tu peux te donner une petite date là avec, avec ton amoureux. Se rejoindre à mi-chemin, oui. C'est un peu le Madrid des relations Québec-Montréal. Voilà. Hein. Vers de Porto. Qu'est-ce que d'autre au Portugal de le fun? Équipe de soccer. J'essayais de voir le Madrid, tu veux dire... Le Madrid. Ouais, oui, oui, sur l'autoroute. Là, c'est Madrid, qu'est-ce qu'il fait? Relation à distance, c'est ça. Là. Mais oui, non, ah, sinon, un ça, bon moi, costume ça. De singe et un complice qui dit « J'ai trouvé ce singe-là. Il ne peut pas venir d'ailleurs que dans l'Inde. » Oui, c'est un bandarlogue. Oui, un bandarlogue. Ah, tu sais, le livre de la jungle. Non, un bangalou. Non, non, un bandarlogue, vraiment. Ah ouais, pourtant, moi, quand j'allais les scouts, Akela, elle appelait ça des bangalous. Ah ouais. Le roi ouais. Louis et les Bangalou. Et moi, je dis là, ça serait game de googler ça. Je fais pas ça. T'apporteras ton ordi. Mais tout ça pour dire, un bon costume de singe, un complice qui dit, excusez, j'ai trouvé ce singe-là dans le fleuve. Il a dû... OK, il faut qu'il soit mouillé, le costume, là, idéalement, j'imagine. Non, mais tu peux le mouiller. Un costume mouillé. Ah, OK, ben oui, c'est vrai, t'as raison. Tu peux le mouiller toi-même. Ça, tu l'as eu pour une bouchée de pain, ce oui, costume-là? Oui, en faisant chanter Hugh Jackman? Oui, en faisant cracher. Ou une bouchée de banane. Oui, une bouchée de banane. Il fait, mon Dieu, il doit venir d'Inde, ce singe-là. Pouvez-vous le ramener chez eux, là, j'imagine? C'est Madagascar? C'est l'histoire, c'est le scénario de Madagascar. C'est horrible, mec. Elle veut aller en Inde, pas à Madagascar. Non, mais c'est trouvé, je sais pas, un capucin, je sais pas, une sorte de singe qui est exclusivement en Inde. Ben oui, nomme-les donc, ben les singes d'Inde, là. Check là-bas, aller au Népal. Ben oui, elle va se ramasser. Népal aussi, ça serait bon. Népal aussi, c'est bon. Il va au Népal aussi. Ben, ça serait déjà pas mal plus proche de l'Inde que d'ici. Il y aurait peut-être moyen de changer de kick aussi. Ouais. Ben non, elle dit non. Il y en a-tu un de nous quatre qui pourrait plus se tenter? Elle me confiait un peu plus tôt que son chum ne savait pas encore si c'était 5 mois ou là, il hésitait peut-être à... rester? Non, rester ou diminuer sa durée. Oh! Donc là, il y a un petit quelque chose à travailler ça là-dessus. Ce serait une erreur. Ben non, mais là, il y aurait des attentes par rapport à toi ensuite. J'ai fait un compromis. Non. Fais-moi du pain au beurre. Non, mais... Enlève ton costume de singe. Vas-y du poulet au beurre. Je vais t'attendre dans les bras de quelqu'un d'autre. Ça sera pas long. Quand tu vas venir, je serai là. Un bon deal. Mm. Banjo? Banjo a une solution. Il y aurait pas moyen de te faire croire qu'on est en Inde en ce moment. Ah ouais! Mais bien sûr, pour une bouchée de pain. Dans Parc Extension, il y a des petits coins où on pourrait recréer facilement. Donc, dans l'avion, on défile des images de nuages près des hublots. Oui. Le temps de changer un petit peu le setup. Oui, on vient de gang brasser l'avion. Tu sais, vraiment, là, des décors comme dans Be Kind Rewind. Là, Mais ça prend 2-3 personnes avant qu'ils disent hey, « ça ressemble beaucoup à Montréal, fais pas le saut ». Attention. On pense que c'est bien spécial, mais finalement... Puis sors pas du backstore du Punjab Palace. C'est juste là, là tu peux rester. Puis ils comprennent un peu le français, fait que bitch l'est pas. Bitch l'est pas. Puis tu vas voir qu'après 12 tonnes, la trame sonore de Slumdog Millionaire recommence. Puis la nourriture là-bas ressemble beaucoup à l'Indien d'ici. Là. Oui. Ouais, pour 2 personnes. Mm. Mais cela dit, entretenir une flamme à distance... Oui, mais oui on c'est est ça, c'est ça le problème principal. Là. On est quand même chanceux aujourd'hui avec les internets. Skype. De tu sais, Skype, tout ça, des façons de se voir. Et je pense qu'on est sur le bord aussi de pouvoir avoir des relations à distance. Il existe une tenue, Fred. Le suit. Oui, le suit pour faire l'amour virtuellement, là, qui est plein de terminaisons nerveuses. Ça, ça ne peut pas nous Oui, mais c'est un investissement à long terme. C'est au stade expérimental, tu pourrais t'inscrire pour être cobaye. Il faut garder une routine quand même. Oui. Garder une routine. Se recréer une espèce de quotidien. Puis pas avoir peur de le dire, hein, à fuir, là. Ouais. Je m'ennuie de toi, j'aurais aimé ça que tu sois là aujourd'hui. T'es important pour moi, ou importante. T'es important, ça. Ça prend une bonne dose de confiance. Hein. C'est surtout la jalousie qui peut rentrer en ligne de compte. Mm-hmm. Je sais pas, moi, si t'as un emploi comme barmaid, par exemple, ou t'es peut-être porté à rencontrer plusieurs personnes des en panélistes état... sympathiques. Mm. Oui. Ouais. Des et clients. Des spectateurs charmants. Oui. Ou le bar mannequin aussi qui est à côté d'elle. Oh, OK, elle comprend la situation. Bon. Ouais. Mais c'est le retour aussi. Si ça va bien, c'est le retour qui peut être difficile où on est habitué d'être seul, faire des compromis, tout ça. Mais je pense que t'es capable. T'es capable. Mais il paraît que dans les films de Bollywood, les méchantes sont souvent des occidentales. Et peut-être auditionner pour un tournage parce qu'ils produisent beaucoup, beaucoup de films là-bas. Oui. Comment? Puis en plus, puis t'as même pas à frencher quelqu'un, hein? Parce que là-bas, on se frenche pas dans les films. C'est vrai. On fait juste sur, on est juste sur le bord. Ah, intéressant. Ça, on se touche pas. T'es un amateur de Bollywood? Pas en tout. OK. J'ai tout entendu parler de ça quand. Comment il s'appelle? Richard Gere? Embrasser une actrice bollywoodienne, puis là, ça a fait... Wow! Scandale. Ouais, scandale. On a Banjo? Oui. Oui, il y avait une autre solution, peut-être, pendant qu'il est parti, justement, comme quand tu veux, le temps passe plus vite, ben tu dors beaucoup. Tu dors beaucoup. Tu couches tout le temps, tu dors, le temps passe plus vite. Pour entretenir la flamme. Tu rêves à lui. Non, mais tu t'en rends pas compte que les 5 mois sont passés. Le temps passe plus vite. Tu veux dire hiberner? Ah! Oui, c'est ça. Un coma artificiel de 5 mois. Donc, tu manges des trucs qui vont faire un bouchon dans ton anus. Voyons. Ouais, comme l'ours, hein? Explique-moi ça. L'ours parce que fait ça, sincèrement? Je pense, me semble que oui. Pour dormir, il y a besoin d'un bouchon dans l'anus. Mais non, sinon il fait juste se chier dessus. Ben oui, mais là, c'est un ours. Là, il mange beaucoup, beaucoup. Ben, il se réveille pour faire ses affaires. Là, ça se réveille quand même dans l'hibernation pour faire ses besoins. Maintenant, tu conseilles à notre ami barmaid de se boucher l'anus. Ben, tu sais, pour l'amour, moi, I would do anything for love. Mais, I won't do that. Mais oui, sinon, les surprises vont pouvoir pimenter, justement, l'amour à distance. Et une des meilleures surprises, moi, je pour l'avoir déjà fait, je le conseille, le souper Skype. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Le scooper. Moi, le quoi? Le scooper. Le scooper, le skyper, ouais. La personne qui dit, hey, regarde, mets-toi à ton côté, prépare-toi un petit setup. Et moi, je me mets de mon côté, je me prépare un petit setup et on va souper ensemble ce soir, mon amour. Ça va être un souper déjeuner, hein? Avec le décalage horaire. Non, mais qu'est-ce que tu manges? Puis il y a moyen de pimenter ça, justement. Fais-toi un petit décor en arrière, là. Mets ça beau, là. Il va s'installer sur le Taj Mahal ou en face du fleuve, là, le mythique, là. Le Gange. Puis toi, tu vas sur la plage au quartier. Fait qu'elle peut manger, elle ici, à la banquise, pendant que lui, il y a un décor de gens en train de déféquer dans le Gange ou de brûler des cadavres. Ouais, morts qui flottent. Là. C'est beau, ça. Ouais. C'est juste beau. Mm. Wow. Je ne sais pas si, mettons, tu t'ennuies physiquement, charnellement d'un homme, dans ton cas, mettons. Pogner quelqu'un qui ressemble. Voilà, ton collègue de travail, ça. Qui s'ennuie. Ouais. C'est lui. Non. Je sais pas si, mettons, tu sais, the next best thing, ça serait genre son frère ou son père ou sa mère. Ah, arriver à le cloner. Moi, peut-être c'est clair. Je... Ben, c'est pourquoi clair pas que... avoir une relation? Moi, souvent, on m'a dit que je faisais l'amour comme ma mère. Puis moi, c'est clair, c'est si ma blonde disparaissait, je me pogne tout de suite ma belle-mère. Tout est un t'attends même. Juste ça. Ben, probablement. La belle-mère, oui. Ouais, c'est tous les jours. C'est un message. Non, mais... Mais sinon, avant de partir, de demander la liste. Fais-moi la liste des 5 personnes que j'ai le droit de me pogner dans ton absence. Isabella Rossellini est dedans. Oui, mais oui. Pas j'imagine. Ross Geller, je pense. Non. Ouais. Et au moment que tu t'ennuies trop, là, tu dis, c'est scellé, ça bougera pas. je te garantis que quand tu vas revenir, ça va être scellé. Si c'est ouvert, c'est parce que j'étais plus capable. Mm. Les masques. Tu fais faire des masques de ta face. Wow. Hein? Puis là, tu dis là-bas, tu mets ça sur les gens. Puis toi, tu fais la même chose ici avec sa face à lui. Puis là, ben là, t'es entouré de lui tout le temps. Puis tu mets la toune d'Eyes Wide Shut qui ont fait l'amour, là. Ah oui, je la replace. Même Shazam n'y pourrait rien, là. Hey, je l'ai bien, pour vrai. Non? The Masked Ball, en tout cas, tu mettras ça. Masked Ball, ça c'est... The Masked Ball. Une petite game de Masked Ball, ouais. Vous l'écouterez à la maison, je vais le mettre. Voyons donc. Basketball. The Masked Ball. Ben, entretenir la flamme à distance, l'avez-vous fait? Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai vécu souvent. Ma soeur, ah ouais? Moi, j'ai eu une copine en Europe. Oui. Ben, ah oui. Ça a marché, ça? Ça a chié bien raide. Et j'ai eu une copine à Québec. Vous donniez toujours rendez-vous au Madrid. Oui, c'était pas juste ma copine en France. Ma copine en France, moi j'avais même pas dit mon affaire. J'avais été au Madrid, on va se rejoindre là. Non, ça chie. Mais non, mais c'est pas pareil. Là. C'était avec une étrangère, donc quand elle venait ici, c'était plus impliquant. Ah, c'est ça, c'était chez eux, lui. C'est ça. Je comprends. Oui, elle, c'est ça. Son chum vient d'ici. Oui, c'est ça. Il est juste parti en voyage. Mais partir, vivre le long voyage là, comme ça, non, ça, je l'ai pas vécu. Voilà. Surtout, essayer de s'abstenir d'entendre quand les autres nous disent la phrase « Ce qui se passe en voyage reste en voyage. »« Ce qui se passe en Inde reste en Inde. » Ça, c'est clair. Essayer de ne pas entendre cette phrase-là, ça peut... Mais sincèrement, là, moi, je serai sincère là, là-dedans. Là. Moi, je pense que si ça peut marcher à distance, mais si c'est pour une longue période, je pense qu'il faut oublier la fidélité. Cinq mois, c'est long, ça? Cinq mois, c'est pas non, trop long. Non, je suis pas d'accord cinq avec mois, toi. Cinq mois, ça se gère. Je suis pas d'accord, Mathieu. Un an, là? Non? Non, je suis pas d'accord. Une affaire de des années à distance. Là. Ah ben là, des années à distance, à un moment donné, tu dis, c'est cinq quoi? Cinq mois, ça se travaille, cinq mois. Cinq mois, ça se travaille, là. Il faut voir à long terme. Ça dépend comment tu vois ta relation de couple. Plus tu vois ta relation à long terme, plus ces cinq mois-là va paraître anodin. Là. Si tu dis que c'est l'homme de ta vie, cinq mois sur une vie, il n'y a rien là. Mais mettons les gens là, qui sont en couple puis qui partent un an, là, tu sais. Oui. Ben, il me semble qu'ils peuvent se donner des libertés. Non? Non? J'ai pas rapport. Ben, tu connais pas ça, l'amour. Hein? Oui, mais faut pas que tu partes avec cette idée-là, là, tu sais. Regarde, moi, je suis en train de chercher sur Internet, mais là, j'ai pas assez de temps, mais je suis sûr qu'avec un petit peu de temps, tu peux cloner le pénis de ton amoureux. Il se vend ça. Faire un dildo. Oui, mais c'est tannant parce qu'il faut que tu restes en... Oui, c'est un gadget qui se voit souvent dans les sex shops, même que souvent... J'envoie une petite vidéo de démonstration. Oui, oui. Mais le problème, c'est qu'il faut rester en érection pendant que tu moules ta verge. Ça s'appelle clone Willy. Il faut que tu restes combien de temps en érection? Ben, le temps que ça freeze. 24 là. Heures? Non. Je sais pas si c'est aussi long, mais c'est quand même... C'est quand même tannant, c'est quand même un sapré bricolage, là. Faut que tu... c'est salissant, semble-t-il, puis c'est un peu gênant, là. Le moment où tu fais ça chez vous tout seul, c'est... Faut que tu t'aides, là. Ouais. Ben pas tout seul, tu peux faire ça avec... ami? En ami, une ouais. Soirée, demander un ami. On se moule ce soir. J'embarque! Je te moule, tu me moules. Mais non, mais pour... Le nombre de fois qu'on l'a fait quand on était coloc. On l'a fait. Donc, puis j'imagine le produit à moins là d'avoir une érection là, turgescente qui ne bouge pas. Il fait son mélange après ça. Fred, arrête de commenter une vidéo que personne voit là. C'est pas intéressant pour personne. Non mais bref, je pense qu'il y a un effet de suction aussi. Garde. C'est quoi, la machine t'a fait une pipe? Il y a moyen. Il y a moyen. C'est Mathieu, on essaie d'aider quelqu'un. C'est une solution. Je fais des blagues plates. Ben, regarde. Il n'y a pas de mauvaise solution, c'en est une. Ouais. Clone Willy. Clone Willy. Donc, est-ce que vous en avez, vous, des solutions? Avez-vous déjà vécu l'amour à distance? Est-ce qu'il y a des Indiens dans la salle? Personne ne s'est jamais moulé le pénis. Oh, il y a quelqu'un qui est en train de le faire à l'instant. Là. Attends, je vois Hugh Jackman dans le fond. Non, mais... Oh non, j'ai perdu mon idée, je pense, moi. Tu peux te mouler à plot aussi. Tu peux te mouler à plot. Okay. Ah, c'est six beau. Mois, non, moi, je décroche. Là. Okay. Antoine va repartir pour un autre 6 mois. Oui, banjo! Excuse-moi. Tu pourrais te fier à l'effet papillon. Dans l'effet papillon? Oh! Le coup de vent qui ressent en Inde, par exemple, tu vas dire l'enfant en réalité, ça dépend un peu de moi à Montréal, c'est un peu comme si j'étais avec toi. Wow! Oh, elle est touchée, je pense. Ah, est-ce que c'est ta solution préférée? C'est oh, romantique. Ça va marcher, c'est sûr! Ouais, à chaque fois qu'il va pas faire beau, ça va être de sa faute. Un Batman-style? Oui. Wow! Ben oui, un battement de cerveau, un bec soufflé. Un bec, là, moi. Puis vous savez que. Et lui, la tornade. Chacune de nos respirations, on a un petit faible pourcentage de la respiration d'Hitler. Ah oui? Ok, excusez-moi. Tabber slack. Je savais pas où tu s'en allais avec ça. Ouais. Mais j'arrêterai plus de respirer. Mais. Mais la l'eau technique, qu'on voit. Les surprises, mais là, faudrait que je parle à ton copain. Là. C'est à lui qu'il faudrait que j'y parle. De prévoir des petites surprises pour les moments où tu vas t'ennuyer. Moi, j'ai fait ça aussi avec ma copine quand je suis partie en voyage. Je lui glissais un petit cadeau caché quelque part et un moment où elle me disait « je m'ennuie », je lui disais « chérie, va voir dans le garde-robe en dessous de la lingerie. Je t'ai mis quelque chose juste en dessous de mon moule de pénis. » Et j'ai caché un petit mot, un petit cadeau, des petites surprises. La saison 1 de Dawson's Creek. Oui. Il va l'écouter dans l'avion, ce podcast-là. Oui, mais plus tard. Non. Ça va faire partie du calendrier de l'avant. Parce qu'il y en a juste 181. Pourquoi on ne pourrait pas faire ça, Frédéric? Ben, essayer de pogner un contrat avec Air Transat ou, tu sais, quand on peut choisir là, de la musique à écouter ou des trucs à écouter, choisissez d'écouter le meilleur podcast. Ah oui, si on avait une note parfaite, ça serait bien, mais il semble-t-il que quelqu'un nous a mis 2 étoiles. Et Air Transat s'est retiré du contrat de plusieurs millions de dollars. Ils ont pris Christiane Charette à la place. Un mécène, quelqu'un qui croit être votre touché amour. Par ton histoire. Wow. Comme, je sais pas moi, le propriétaire du site le plus en vogue, Zwipple.com. Oh! Il va t'aider, je suis sûr. Oui. Hey, mais Martin, j'ai quelque chose à dire. J'aimerais que tu partages. Oui. Toi, dans ta relation à distance, une fois, on t'a fait la surprise de ne pas t'avoir dit puis d'arriver à Montréal à l'improviste. Et ça n'a pas eu l'effet escompté. On dirait que je n'ose pas trop embarquer là-dedans. Mais la personne pourrait être un podcast un attention. Jour. Ouais. Quelqu'un lui dit « Écoute ça, c'est débile ce podcast-là. Hein, Chris, mon ex qui me dit… Ouais. » Mais oui, mais moi, c'est pas pareil. T'avais été surpris. Oui, mais en fait, c'est parce que j'étais à l'école, j'étais très occupé, et puis moi, j'avais prévu qu'elle arrivait le 23 décembre. Et là, je m'étais dit, parfait, moi, je vais avoir fini l'école, je vais être libéré. Mais non, elle est arrivée le 1er décembre, en plein dans mon rush. Et là, elle débarque. C'est là que tu pognes le plus avec les autres filles, on se dit. Oui. Ben oui, c'est à ce moment-là que t'es. Puis, hey, tabarouette, je suis en train de pogner avec d'autres filles. Pas le temps de faire le moule. J'ai pas le temps de me mouler. Rien. Occupé. Non. Et ça moule mou. Ça a été le début de la fin, là. Ça a fait comme. Que c'était pas un bon timing pour. C'est difficile parce que j'ai l'impression que si quelqu'un arrive d'une relation à distance, c'est. T'as besoin de passer énormément de temps avec cette personne-là. Oui. Si tu l'as pas prévu, ben c'est là qu'il y a des déceptions qui peuvent arriver. Mais c'est différent parce qu'elle habitait en Europe. Mmh. Donc, quand elle venait à Québec, à l'époque j'habitais à Québec, elle avait pas de réseau, elle savait pas quoi faire. Elle était là que pour moi, tu sais. Fait que moi, j'avais comme cette pression-là. Mais là, ça s'applique pas parce que son chum, même s'il revient une semaine plus tôt, elle le surprend en Inde, ça pourrait créer cet effet-là. Ça pourrait créer cet effet-là. Malheureusement, c'est pas une bonne idée de le surprendre en Inde. Dans un costume de singe mouillé. Hey! Avec une bouchée de pain. Hey, dans le Gange, t'es bon pour synthétiser tous les éléments, Antoine, pour en faire une blague. Hein? Exactement, costume je ne fais que répéter. Avec Hugh Jackman, mais le mot la pénis d'un mec. Mais avez-vous une solution préférée, messieurs? Solution préférée? Oui, laquelle je pourrais prendre? Oh là là. Écoute, moi, c'est sûr que la chanson d'Eyes Wide Shut vient me rejoindre. Oh là là. Je ne vous demande non plus. Mais moi, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire de votre histoire un bon scénario de film qui vous rendrait tous les deux millionnaires. Genre? Oui. Tiens, là, ouais, ça. L'histoire de pi. Mais c'est quoi la raison pour laquelle il est parti en voyage? Au juste, es-tu parti là? Il va travailler. Pour simple étudier. Voyage, il est parti, ouais. Juste parce qu'il a besoin d'envie de voyager. OK, il a besoin d'envie. Mais c'était prévu avant le début de leur relation. Oui, c'est ça, ça, là. OK. Ouais, OK. Bon. De toute façon, il va te choquer, c'est sûr. Ah, il va te choquer. Ah. Fait que là, on fait ce podcast-là. Pourquoi, au juste, là? Ah, ouais. Hey, oh! Non, mais sans farce. Je suis pas sur les gens qui nous proposent des problèmes, là. Oh! Oh! Qui nous accueillent dans leur bar. Oh! Oh! Oh! D'ailleurs, merci beaucoup, le bar. Merci! De nous accueillir. Et aussi, moi, ma solution préférée avant de faire nos blogs, oui. Là, je pense que c'est essayer de travailler pour la compagnie qui fait du outsourcing, de la délocalisation des ressources productives. Voilà! Puis t'arranger pour avoir un... Quoi? Mais non, mais c'est simple. Garde, je pense que le bar, les passages ont une succursale hein? En Inde. À Bombay, oui. Qu'on peut-être. Appelle ici le jour, là, l'appel oui. Est transféré en Inde. Oui. Bonjour, les heures d'ouverture. C'est pas, je l'ai pas moi l'accent indien, Fred. Bonjour. Ah, OK. It's all good. OK, oui, ben bref, garde, réécoute le podcast. C'est ça ma solution préférée. Mathieu? Moi, je l'ai dit, c'était... Oh, bon. Mais si vous avez une solution préférée, venez nous écrire sur Facebook. Arrangez-vous. Oui, nos solutions préférées. Si vous voulez un T-shirt, Antoine. Oui, Mr. Dress Up. Parfait. Oui, Mr. Dress Up, qui a plein d'autres T-shirts. Hein? Mais prenez celui de podcast. Moi, j'ai pas dit ma solution préférée. C'est quoi? Oh, tu me l'as pas demandé. Boone. Garde. Non, en fait, moi, c'est une solution qu'on n'a pas dit encore. Vas-y. Parce que, encore dans l'optique de la bouchée de pain, le grilled cheese avec la face de la Sainte Vierge qui s'est vendu une fortune sur eBay. Ganesh! Donc, j'imagine que pour le prix de quelques sacs de pain tranché, une bonne journée assidue là, à faire des toasts, à Mané, il va pas avoir de quoi. Là. Statistiquement, ouais. Ben, il y a aussi, je pense qu'il y avait des cornflakes aussi, que tu sais. Bon, tu checkes le score. Bam! Oh, ton chum ressemble à Jésus. Solide. Hey! Oh, oh. Ben oui, mais dis ça, dis, regardez. Puis je me suis fait une toast, la face de Jésus. Mon chum ressemble à Jésus, c'est un signe, il faut que j'y aille. Tu là. Nous proposes, tu nous dis ça à la fin du podcast. Bravo! Ben oui, on t'aurait suggéré de briller. On t'aurait suggéré ouais. Bon, de. Regarde, c'est la fin du podcast. Oubliez c'est fini. Pas. Je sais pas, là, je sais plus quoi dire. Ah oui, j'ai de quoi à dire. Le 22 septembre, si vous avez l'occasion, regardez Le Banquier. S'ils n'ont pas coupé le bout où je casse le lutrin, c'est très drôle. Donc, oui, je casse un lutrin au Banquier. Pour ça, de même. Et vos problèmes aussi, prochain podcast, prochain enregistrement de podcast devant public, 8 octobre, ici même au Bar Les Passages. On vous rappelle aussi de vous enregistrer sur vos téléphones ou tout ça et nous envoyer vos problèmes et ou solutions à des problèmes qu'on a déjà faits par courriel podproblème@gmail.com. Et n'oubliez pas de voter pour nous 5 étoiles ou rien sur Balado Québec et sur iTunes. N'allez pas voter dans le milieu des étoiles pour tester la patente. Visez tout de suite la 5e étoile. Merci les enregistrements Boily Boileau. Merci le bar Les Passages et merci baladoquebec.ca. La semaine prochaine, le problème. La semaine prochaine, le problème. Comment se souvenir de zipper ses pantalons? Problème épineux, s'il en est un. Épineux, s'il en est-il un. Et le mot de la fin, Martin? Oui, vous avez un problème. Nous avons un podcast. Yeah.